Il y a des noms qu'on efface. Et il y a Ryder Skill. Gravé dans la pierre. Chaque ligne, c'est Ryder Skill. Chaque impact, c'est son feu. Ryder Skill. Quand je rappe, Ryder Skill. Signe mon blast comme un vœu. Ryder Skill. Il parle fort, je parle peu. Ryder Skill. Ryder Skill, les mêmes à genoux. Ryder Skill. Même les corps dans l'église. Ryder Skill. Connais mieux mon nom que vous. Ryder Skill. Ryder Skill, c'est pas un pseudo, c'est un code. C'est le nom que les traîtres murmurent avant que ça explose. J'ai mis ma foi dans mes balles et mes balles dans le beat. Et chaque bar, c'est Ryder Skill qui leur écrit le verdict. J'suis béni, j'suis maudit, j'suis le feu dans leur froid. Ryder Skill marche droit, même les anges regardent en bas. On m'oublie pas. On m'évite. Et quand je passe, c'est Ryder Skill qui cite. Ryder Skill dans leur cauchemar. Ryder Skill dans leur mémoire. Ryder Skill sur chaque mur, chaque balle, chaque victoire. Oh. Ryder Skill.